dernière séance du cours. Comme vous le savez, vendredi sera, vous avez deux heures, mais nous serons consacrés en fait à une question-réponse en préparation à l'examen. Donc, on vous l'avait déjà indiqué, je pense, lors des exercices ainsi que sur l'UV, on vous invite à préparer des questions et à les indiquer déjà, donc à les publier en fait dans le forum de questions que l'on a mis en ligne à la date en fait de la séance de vendredi. Certains d'entre vous ont déjà déposé des questions, on vous invite à faire la même chose. Donc, s'il y a des choses qui vous apparaissent peu claires ou sur lesquelles vous aimeriez que l'on revienne, c'est à cet endroit-là qu'on vous demande donc de l'indiquer. Ça vise en fait à nous permettre de préparer déjà un petit peu mieux la séance et peut-être à éviter des informations redondantes, donc à aller peut-être de façon plus efficace en fait vers l'information qui vous est nécessaire. Donc pensez à aller vérifier dans l'UV avant vendredi les questions qui sont déjà posées et à y déposer celles auxquelles vous pensez aussi. Donc, ce qui est aussi une invitation à déjà relire un peu les contenus si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder peut-être selon les séances que l'on a passées en revue ensemble et selon les thématiques, ce qui vous semble plus ou moins clair. Alors aujourd'hui, l'objectif de la séance, c'est de passer en revue les deux dernières thématiques qui au départ étaient destinées à représenter chacune une séance, mais en fait je les ai compilées donc pour vous libérer un petit peu plus de temps, notamment de révision. Ce sont des thématiques qui font écho à certains des thèmes que l'on a déjà vus ensemble durant le quadrimestre, mais qui sont en quelque sorte un petit peu les conclusions finalement des réflexions sur les enjeux numériques la communication, avec d'abord la notion de fracture, de ségrégation technologique, et ensuite la notion d'homme-document. Donc c'est aussi une séance qui vise à faire la synthèse sur certains des éléments que l'on avait déjà vus, et en particulier pour ces deux séances-là, donc, qui se synthétisent en une aujourd'hui, il y avait plusieurs textes, comme vous savez, que l'on avait mis en ligne dans l'UV et qui étaient donc mis en correspondance avec chacune de ces séances. Donc pour aujourd'hui, en fait, j'ai inclus, en fait, ce que je veux faire, c'est insister sur les éléments les plus importants de ces textes-là, à partir de certaines questions, donc que, comme les autres fois, je vous invitais à répondre en groupe ou à réfléchir en groupe à ces questions-là en consultant soit sur vos ordinateurs, soit avec les versions papier si vous avez des textes, donc les éléments de réponse qui pourraient être pertinents. Et sinon, pour certains des autres textes, c'est moi qui soulignerai directement en fait les dimensions les plus importantes. Donc, on va commencer tout de suite avec les deux premiers textes qui portaient sur cette notion de fracture ou de ségrégation technologique. En fait, cette idée de fracture technologique ou de ségrégation technologique ou numérique, elle est dans la continuité d'une réflexion sociale sur les inégalités au sein des sociétés. Et en fait, cette réflexion-là, elle est exprimée aussi sur le plan politique à travers les pays, avec justement des politiques ou des projets de politique qui visent à ce qu'il y ait une meilleure transmission des connaissances sur le numérique à l'école, dans les lieux de travail, pour permettre au maximum d'individus de maîtriser au mieux les technologies qui sont censées être aujourd'hui nécessaires pour la vie collective. Donc ça veut autant dire donc travailler de façon plus efficace, communiquer au sein d'entreprises, mais aussi se débrouiller au sein des exigences administratives, par exemple, qui ont de plus en plus tendance à avoir cours en ligne. Donc il y a une question, en fait, une réflexion qui est faite ici sur un enjeu de communication, sur un plan pédagogique ou d'éducation au numérique. Donc le premier texte qui fait référence à cette dimension-là, c'est un texte de Ben Youssef qui porte sur quatre dimensions, avec un S que j'ai rajouté, de la fracture, de ce que l'on appelle la fracture numérique. Et le deuxième porte, lui, sur la diversification des usages, des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication de façon plus large, comme effet et cause des inégalités sociales. Donc ici, comme je vous le disais, le mot-clé à relier avec fracture ou ségrégation numérique, c'est vraiment cette notion d'inégalité. Donc le premier texte, celui de Ben Nusser, c'est celui sur lequel je vais en fait vous demander de réfléchir un petit peu plus précisément, parce que c'est un texte qui fait une synthèse des recherches et des réflexions existantes sur cette idée de fracture numérique, et qui permet donc, dès qu'il en est question, de faire le point un peu sur les dimensions historiques, mais aussi sur les façons de définir ce qu'on entend par fracture numérique et ce qu'on entend par problème relié à cette idée de fracture. Alors, j'ai donc listé plusieurs questions auxquelles je vais vous demander de réfléchir donc, en petits groupes, enfin, selon la façon dont vous êtes disposés dans la salle. La première question, en fait, donc, pour laquelle je vous demande d'aller consulter le texte qui est en ligne dans l'UV, c'est d'aller chercher dans ce texte-là quelles sont les quatre dimensions des fractures numériques qui sont soulignées par Ben Nusser. Donc, c'est le titre de l'article. Autrement dit, en fait, c'est vraiment l'idée principale de sur quels sont les plans sur lesquels on peut parler de fractures numériques. D'accord ? Donc, prenez 2-3 minutes pour aller regarder dans le texte et dans le début du texte, en fait, quelles sont ces quatre dimensions-là, pour qu'on y revienne ensemble. Et la deuxième question qui va avec, c'est quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer les fractures que Ben Nusser définit comme étant des fractures de premier degré. Donc, prenez d'abord une dizaine de minutes pour passer en revue ces deux questions-là, et ensuite on fait un retour en collectif pour synthétiser un peu les réponses. Okay. Est-ce que la connexion à l'UV fonctionne bien pour tous ceux qui ont un ordinateur ? Non ? D'accord. C'est parfait. Donc elle ne fonctionne pour personne. Hein. Voilà. C'est mieux. Alors, on va changer de stratégie. Bon, ben, vous avez ici le passage en fait dans lequel je vous demande d'aller chercher quelles sont les quatre dimensions de la fracture numérique. Autrement dit, en fait, si vous lisez le paragraphe, il suffit juste de dire à voix haute quelles sont ces quatre dimensions, l'objectif étant de retenir en collectif quelles sont les idées principales autour des dimensions. Alors, est-ce que c'est assez grand pour que vous puissiez lire ? Oui, ça va ? Okay. Alors, oui, effectivement. Je ne vous demande pas si vous, si vous avez d'autres réponses, c'est pas mal cette petite figure ici. Concernant la quatrième dimension sur laquelle Ben Youssef insiste un petit peu plus, comment vous l'interprétez? C'est-à-dire lorsqu'il parle notamment d'une économie fondée sur la connaissance, vous dites qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette idée de fracture numérique? Oui. C'est pas par rapport au fait qu'on n'a pas la même notion d'usage par rapport à nos parents, par exemple? Oui, par rapport à nos parents, ou par rapport à différentes générationnelles. Et qu'on est dedans, en fait, donc je pense qu'on a plus de facilité à... Enfin, j'ai pas besoin d'être bien expliqué de comment aller sur un site quand on regarde un peu, alors que certaines personnes doivent être libres. Donc par rapport à une capacité plus intuitive, quasiment, à utiliser oui. le numérique parce qu'il fait déjà partie du quotidien depuis toujours. Effectivement, il y a cette notion de génération qui va rentrer en compte ici. Oui. À un moment, si je me souviens bien, il parle de la différence des travailleurs qui savent employer les technologies et ceux qui ne savent pas, et que ça crée une grosse différence entre eux au niveau des salaires, parce que ceux qui savent utiliser les volumes et ont des promotions, etc., tandis que les autres sont un peu en... Oui. Ici, effectivement, donc il y a un lien entre justement cette capacité à faire usage correctement, efficacement, mais aussi de mieux en mieux, c'est-à-dire que la technologie, elle ne reste pas, le numérique ne reste pas figé, ça évolue, donc il faut s'y adapter, donc il faut être en constante capacité d'apprentissage, en fait, une nouvelle chose, et cette capacité, justement, à apprendre et à s'adapter va avoir des conséquences en termes, après ça, économiques, par exemple, ou en termes de facilité à s'adapter à ses exigences de travail ou à des exigences relationnelles, etc. Donc il y a une valeur économique qui est liée aussi à cette capacité à apprendre, à assimiler de nouvelles connaissances et à aussi non seulement à les assimiler mais à aller les chercher. C'est-à-dire que ce qui va compter et ce dont il est question dans le texte aussi, c'est la capacité de s'approprier des connaissances sur le numérique. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette capacité d'appropriation au tout début, en fait, du quadrimestre. Ça faisait vraiment partie des caractéristiques du web social. Parce que, à partir d'une même plateforme numérique, ben, on va chacun apprendre un peu différemment comment s'en servir, on va développer des façons de faire un peu différentes, mais on va arriver à publier des choses, à se mettre en avant, en fait, sur cette plateforme-là. Par des voies un peu différentes, donc en fait, on s'approprie, finalement, des façons d'utiliser la plateforme. Cette capacité donc d'appropriation, c'est ce qui va faire aussi, ce qui va marquer une différence, et donc forcément des inégalités, entre les individus ou les groupes qui vont utiliser le numérique. Et donc ce qu'il faut retenir dans l'idée aussi de fracture, vu qu'on réfléchit sur des inégalités, c'est donc cette valeur aussi économique qui va se refléter ou qui va se manifester par rapport à la capacité d'appropriation. Alors, la deuxième question que je vous posais, c'était celle des hypothèses qui pouvaient expliquer les fractures dites de premier degré. Donc, si on revient sur d'abord ce qu'est la fracture numérique dite de premier degré, vous l'aviez en fait dans le passage du texte un petit peu avant. Si je vous demande fracture de premier degré, ce à quoi ça correspond ? Sans avoir le texte, ou pour ceux qui ont le texte papier en reprenant sous les yeux, oui. C'est plus avec les fractures géographiques. La géographie peut rentrer là-dedans, mais en fait, notre réponse c'est les écarts, il y a les deux facteurs, les écarts des revenus entre les différents pays, et enfin les structures de. Des infrastructures des pays en question. Oui, en fait, c'est le fait d'acheter par exemple, d'avoir les moyens d'acheter un ordinateur et de disposer du réseau par exemple pour l'utiliser. Donc en ça, effectivement, la disparité entre les régions du monde va jouer sur ces fractures, cette fracture numérique qu'on va appeler de premier degré, mais en fait de façon plus large, ce qui va être important aussi de retenir, c'est les inégalités sociales et économiques qui vont faire en sorte que ça va influencer ou avoir plutôt plutôt altérer, modifier la capacité qu'on va avoir d'accéder aux infrastructures et à la technologie. Ce qui fait qu'effectivement, dans un pays, dans un quartier, ou dans une certaine classe sociale ou autre, on va avoir les moyens d'avoir des ordinateurs, mais on n'aura pas de, ou des téléphones, mais on n'aura pas de réseau. Par exemple, on veut faire des exercices et on n'a pas de réseau. On ne va pas dire que c'est un exemple type de fracture numérique de premier degré, mais ça s'inscrit dans cette idée-là, où en fait, ce sont des facteurs donc, externes, matériels, qui vont faire en sorte que, bah, de fait, même si on veut, même si on aurait peut-être les compétences ou la capacité humaine et intellectuelle, on ne peut pas avoir accès à l'infrastructure. Donc de fait, déjà, ça nous coupe en fait, de certaines ressources. Cette fracture-là, si on la met en perspective avec notamment un petit peu les projets politiques que j'évoquais rapidement en introduction, elle fait partie par exemple actuellement dans la campagne présidentielle française, dans les programmes de certains candidats, il y avait cette idée de essayer d'éliminer les déserts numériques, c'est-à-dire les zones notamment rurales dans lesquelles soit il n'y avait pas d'accès au numérique, soit où il n'y avait pas d'accès haute vitesse, ce qui faisait en sorte que des travailleurs qui veulent faire du télétravail, ben, sont pénalisés, et donc soit vont devoir déménager, soit ne vont pas pouvoir travailler au même rythme, par exemple, que des gens qui, quelques kilomètres plus loin, ont eux un accès rapide, et donc vont donc pouvoir répondre plus facilement aux clients, gérer leurs affaires plus efficacement. Donc, ça, c'était sur l'idée de premier degré. Ben Youssef, en fait, soulignait plusieurs hypothèses qui pouvaient expliquer ces fractures dites de premier degré. Et ma question visait donc à vous faire chercher quelles étaient les hypothèses en question. Alors, comme elles figurent dans le texte et que... Il y en a certains d'entre vous qui ont le texte papier, j'ai vu. Combien à peu près, juste pour avoir une idée? Ouais, c'est pas suffisant pour... Alors, je vais descendre à la partie hypothèse. Je pense qu'elles sont sur les... Ok. Donc, lorsqu'on parle de fracture numérique de premier degré, on s'appuie généralement sur trois hypothèses, c'est-à-dire trois idées préconçues et qui ont été validées ou prouvées dans certains autres cas, qui sont les suivantes. Donc les TIC sont des technologies génériques. La deuxième, les TIC provoquent des inégalités, mais pas des retards de diffusion. Cependant, l'évolution technologique ne permet pas de combler ces écarts. Et troisièmement, les TIC sont des technologies efficientes. Alors, d'après Ben Youssef, ces trois hypothèses sont celles qui sont évoquées pour expliquer qu'il y a des fractures numériques de, comme on appelle, de premier degré, donc liées à des inégalités sociales et économiques qui amènent une rupture en fait dans la capacité à accéder aux infrastructures et aux technologies. Et en fait, la question suivante que je vous posais, c'était que Ben Youssef souligne des limites à ces hypothèses-là, donc les critiques en quelque sorte dans son texte. Et ce que je voulais que vous cherchiez, c'était justement quelles étaient les limites liées à chacune de ces hypothèses, pour mieux comprendre en fait en quoi elles consistent. Donc si on s'attaque à la première hypothèse, les TIC sont des technologies génériques. Pourquoi, d'après vous, cette hypothèse est critiquable ou quelles seraient ses limites? Et comment comprenez-vous cette hypothèse? D'après vous, à quoi elle fait référence? Qu'est-ce qu'elle contient comme idée? donc pas une première critique sur l'idée de générique parce que c'est pas si universel en fait que ça avec les technologies. Tout le monde n'y a pas accès de la même façon. Oui. Oui, en fait, il rajoute ça que ça devrait effectivement être facilité et généralisé, que effectivement ça devrait être universel, mais que ce ne sera pas le cas parce que même si on est très communiqué en public et que du coup on veut généraliser ça, il y aura toujours le privé qui peut justement créer des inégalités et faire que certains auront des accès plus performants. Et donc, différence entre les accès plus ou moins performants aux technologies. Est-ce que ça vous semble justifié du coup comme hypothèse de que les TIC sont des technologies génériques? Non. Non. Donc, mais effectivement, c'est quand on parle de fracture de premier degré, ça vient de cette idée que ben, si on donnait les mêmes, tout le monde pourrait éventuellement avoir un accès vraiment similaire parce que on a le même matériel et que ça donnerait la même chose. Or, justement, cette idée d'universalité et à la fois d'utilisation et d'accès similaire à la technologie, dans les faits, elle n'existe pas. Parce qu'il y a des versions différentes des technologies qui n'arrêtent pas de changer. Donc, on télécharge des nouvelles modifications, des ajustements, des corrections, etc. Parce qu'on n'a pas le même capital culturel et technique non plus. Qui font qu'on ne comprend pas de la même manière les technologies, et que donc en ce sens-là, on ne peut pas les concevoir, quand on parle de fracture technologique ou numérique, comme quelque chose qui est vraiment reproductible à l'identique. Parce qu'il y a un facteur humain aussi qui va rentrer en compte, facteur humain et économique. La deuxième hypothèse, c'est l'idée que donc, les TIC provoquent des inégalités et non des retards de diffusion. Mais cependant, l'évolution technologique ne permet pas de combler ces écarts. D'après vous, comment comprendre cette idée-là et en quoi cette idée est potentiellement critiquable, limitée ou à remettre en question? Tentative sur cette hypothèse-là. Oui. C'est l'hypothèse que l'arrivée de nouvelles technologies, en fait, tant que l'idée préconçue comme quoi il faudrait passer par plusieurs cycles pour avoir une certaine technologie, par exemple le téléphone, oui. Pour prendre les téléphones. Par exemple, en Afrique, le fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure télé-téléphonique, ça a permis le développement du mobile beaucoup plus rapide, parce que justement ils n'avaient pas ces infrastructures. Donc ils n'ont pas dû investir dans les lignes téléphoniques pour pouvoir arriver au mobile. Et que cette idée, enfin cette stéréotype, comme quoi il faudrait passer par plusieurs stades, en fait il peut être remis en question parce qu'il y a des nouvelles plateformes et supports qui arrivent qui permettent en fait de combler ce manque. En fait, dans l'idée, effectivement, l'exemple que vous prenez est assez parlant. C'est, donc, dans le texte, l'auteur souligne que, il dit en Afrique en général, mais bon, selon plusieurs recherches, mais dans plusieurs pays africains, notamment en fait, l'Afrique du Nord, il y a eu une comparaison entre le développement du téléphone fixe et le développement de la téléphonie mobile. Et effectivement, dans l'idée qu'on peut se faire, a priori, il y a l'imaginaire qu'il faut passer par toutes les étapes technologiques pour arriver à la technologie à jour. Donc, on passe du télégraphe au téléphone fixe, après ça, on passe au téléphone mobile, etc. Et que donc, il y a des cycles, effectivement, qui mènent au développement ultime de la technologie. Or, dans les situations des pays africains étudiés notamment, en fait, le nombre de personnes à avoir bénéficié du téléphone fixe ne s'est pas développé en fait, au maximum et donc a connu une courbe d'augmentation particulière. Par contre, la téléphonie mobile a connu un grand boom beaucoup plus rapide. Donc il n'y avait pas besoin en fait, de passer par un instant T de la technologie téléphonique qui était « il faut avoir un téléphone fixe chez tout le monde à la maison » pour arriver à utiliser le moment, le cycle technologique ultérieur qui est posséder un téléphone mobile et pouvoir appeler partout. En fait, il y a eu directement, entre le nombre de personnes qui ont eu accès à la téléphonie mobile, pardon, fixe, puis le nombre de personnes qui ont eu accès à la téléphonie mobile, en fait, il y en a beaucoup plus qui ont directement accédé à la téléphonie mobile sans forcément être passé par la possession d'une ligne fixe ou d'un téléphone chez eux. Donc il y a en fait effectivement des sauts finalement beaucoup plus rapides qui peuvent arriver dans la façon dont on a accès à une technologie et on n'est pas obligé d'avoir accès à toutes les formes et à toutes les évolutions de la technologie pour être à jour ou pour pouvoir rattraper un certain retard. Donc c'est pas linéaire en fait comme développement les sauts technologiques, mais par contre aussi ce qu'il faut voir dans cette idée de l'évolution technologique ne permet pas de combler ces écarts et le fait que les TIC provoquent des inégalités, c'est quand même l'idée que en fait les technologies, en particulier le numérique, vont entretenir ou vont créer en fait, renforcer une sorte d'élite, une sorte de domination en fait numérique ou technologique, parce que il va y avoir une sorte de cercle qui va un petit peu renforcer ce que l'on disait auparavant, qui est que les personnes qui vont être capables de s'approprier les codes, les façons d'utiliser la technologie, qui vont être capables d'aller chercher l'information ou qui vont être en condition, être capable, c'est pas juste intellectuellement, je suis plus fort et je comprends mieux, mais c'est aussi concrètement, j'ai le temps et on me donne les moyens de le faire et j'ai à disposition plutôt la capacité de trouver l'information. Donc tous ces facteurs-là vont faire en sorte que, en fait, il va y avoir aussi une sorte de classe dominante numérique qui va se créer, qui va se perpétuer et qui est alliée avec valeur économique. Donc il y a une sorte d'inégalité qui va se créer ici. Et en fait, donc l'hypothèse que l'évolution technologique ne permet pas de combler ces écarts, d'un côté on peut dire qu'elle est vraie, mais par contre ce qu'on voit c'est que c'est pas parce qu'à un moment donné il y a un écart entre le fait que je possède un téléphone fixe, mes voisins n'en ont pas donc je communique mieux, ça fait pas en sorte que l'inégalité elle va durer et s'entretenir de la même façon, parce qu'à un moment donné, ben, j'ai la même capacité que finalement de m'acheter un téléphone mobile et d'avoir du réseau aussi. Donc en fait, il va y avoir des variations dans le temps qui vont survenir en fonction des technologies. Donc les technologies, là encore, ne sont pas génériques, au sens qu'elles ne provoquent pas les mêmes inégalités, et au sens que parfois, ben, on peut les posséder plus rapidement que certaines autres, ou on peut y avoir accès plus facilement. La troisième hypothèse, c'est celle que les TIC sont des technologies efficientes. Donc, comment comprendre dans ce contexte-là le terme efficient et en quoi ce serait discutable d'affirmer cela ? capital culturel, social, etc. Donc, il invalide ça. Et deuxièmement, est-ce qu'il suffirait que la personne appartienne maintenant au réseau pour que tout d'un coup, il arrive exactement au même endroit, entre guillemets, et avec la même utilité que les autres, alors qu'il a peut-être raté plein d'autres choses avant. Okay. Donc, j'aurais dans les usages en fait, que les différents internautes font des plateformes, des inégalités au sens des différences, qui font que cette idée que les technologies sont efficientes au sens de. Elles produisent une efficacité et une amélioration, enfin, elles sont susceptibles d'une amélioration efficace permanente, c'est pas si vrai que ça, puisqu'à un moment donné, elles vont soit stagner ou soit mal fonctionner parce que les personnes ne les utilisent pas de la même façon. Est-ce que c'est clair comme idée? Oui, moi je suis d'accord. D'ailleurs, on va faire un lien avec Heidegger, dans lequel, lorsqu'il dit utiliser la technique ou se faire, entre guillemets, être dans la technique, donc pouvoir utiliser la technologie de l'information, de la communication comme ces technologies, c'est soit on sait la manière, dire oui ou non dans les bons moments, soit on se laisse envahir et finalement on la suit. Et ici aussi, quand effectivement par rapport à cette remarque-là et à cette dernière hypothèse, rappelez-vous aussi quand on avait parlé de déterminisme social et déterminisme technologique, quand il est question de l'idée de fracture numérique, d'inégalité numérique ou de ségrégation numérique ou technologique, on est aussi dans ces réflexions-là. Qui serait que, quand on est du côté du déterminisme technique, ce serait que parce qu'une plateforme existe sous avec tel fonctionnement, tout le monde va forcément l'utiliser pareil et elle va avoir les mêmes conséquences ou les mêmes influences sur tout le monde. Or, on sait que c'est pas vrai, puisque, a priori, selon nos motivations, nos goûts, nos façons de faire, nos habitudes, notre âge, notre éducation, etc., on ne va pas utiliser la technique de la même façon tout le temps. Et si on est du côté du déterminisme social, alors on est dans l'hypothèse de la réflexion inversée, qui est que parce qu'on a reçu telle éducation, parce qu'on a tel âge, on est né à tel endroit, etc., alors on va forcément utiliser la technique de telle façon. Or, les différentes technologies vont faire en sorte qu'au contraire, en fait, il y a une sorte d'inter-influence entre qui on est, notre capital social, culturel, et le capital technique, le dispositif en tant que tel. Donc en fait, quand on réfléchit à la fracture numérique, il y a toujours cette double dimension de qu'est-ce qui est l'influenceur ici? Est-ce que c'est la technique qui influence l'humain ou est-ce que c'est l'humain qui influence la technique? Dans les faits, en fait, c'est une inter-influence permanente. Et donc ce genre d'hypothèses-là, on va forcément les remettre aujourd'hui en question parce qu'on sait que donc, la technologie ne donne pas du tout lieu, même si elle a été pensée au maximum, aux mêmes usages, aux mêmes conditions d'utilisation, etc. Donc, on a évoqué l'idée donc, de fracture numérique dite de premier degré, dans son texte, et donc d'hypothèse qui limite un petit peu aussi cette idée, ou qui du moins, sans dire qu'il n'y a pas d'inégalité, parce que ce serait faux, c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer, ou du moins permettre de s'interroger sur d'où viennent ces inégalités, comment elles se présentent, mais il y a aussi des inégalités que l'auteur appelle de second degré, et qui renvoient à d'autres dimensions, puisque ici, donc, dans les fractures dites de premier degré ont renvoyé à la première dimension sur les quatre que Ben Youssef avait souligné. Les inégalités dites de second degré vont renvoyer aux autres dimensions que l'on a abordées. Alors si on revient sur le texte, et peut-être pour ceux qui ont cette fois-ci le texte sous les yeux, très rapidement pour boucler la discussion sur cette différence-là, à quoi se rapportent les inégalités que Ben Youssef caractérise comme étant de second degré? Quelle est la différence avec les inégalités de premier degré? Oui. Donc il y a, oui, il y a les types d'usages qu'on fait, il y a l'efficacité des usages qu'on va mettre en place, qui vont faire que certains usages qu'on a, par exemple l'utilisation de Twitter, si on les transfère sur Instagram, ben, ça a plus de sens, et au contraire, ça fait en sorte qu'on n'est pas à notre avantage et on n'utilise pas la plateforme à son maximum. Donc il y a une adaptation en fait à faire, là encore, des usages en fonction des plateformes. Et il y a aussi donc le côté modalité d'apprentissage. Vous vous rappelez, donc dans un environnement, dans une économie qui est fondée sur la connaissance et dans laquelle la connaissance et l'attention représentent une valeur économique en tant que telle et représentent un capital en fait pour les internautes. Donc René, fracture numérique, premier degré, on est dans les inégalités sociales et économiques qui créent des inégalités en termes d'accès physique et matériel à la technologie, aux infrastructures. Dans les inégalités ou la fracture numérique qu'on appelle de second degré, on est dans les trois autres dimensions qui sont donc liées aux usages avec donc les façons dont on se sert de la technologie, avec l'efficacité de ces actions, est-ce que c'est adapté ou pas aux plateformes sur lesquelles je suis, et est-ce que je suis capable de corriger quand je me rends compte que par exemple à chaque fois que je poste plein de tweets, je suis persuadée que je travaille super bien pour mon entreprise, mais c'est jamais repartagé, parce qu'en fait je les poste au mauvais moment de la journée quand il n'y a personne devant son ordinateur, ou que j'ai jamais les personnes que j'inclus ou que je tag dans mon tweet ne sont pas du tout les influenceurs en fait de mon milieu, donc j'ai mal identifié les personnes relais qui me permettraient de maximiser mon message. Donc ça c'est sur le plan de l'efficacité des usages. Oui. Pour le premier degré? Oui. Alors, la fracture numérique dite de premier degré, elle est liée aux inégalités sociales et économiques qui vont faire en sorte qu'il y aura une inégalité en termes d'accès aux infrastructures et aux technologies. Donc c'est-à-dire parce que je suis dans telle région du monde, ou parce que j'appartiens à telle classe sociale, parce que je n'ai pas d'argent en ce moment, ou parce que j'habite à tel endroit qui n'est pas couvert par un réseau, mais je n'ai pas le même accès que tout le monde à une connexion Internet, par exemple, ou à certains logiciels, parce qu'on m'en bloque l'accès, ou je n'ai pas accès à Twitter, parce que dans le pays où j'habite, ce n'est pas autorisé en ce moment, etc. Donc ça, on est sur vraiment une fracture numérique liée au matériel, au côté à des inégalités matérielles, en fait. Donc c'est vraiment sur l'accès aux ordinateurs et tout ça, mais bon, l'accès technique, en fait. Donc ce qui concerne le second degré, on est tourner plutôt donc sur la façon dont les personnes, les individus, les groupes vont utiliser la technologie. Donc là, si vous voulez, les deux ne sont pas en opposition, mais c'est des façons complémentaires de penser les inégalités numériques. Dans le deuxième cas, dans le second degré, on va plutôt penser à la façon dont les gens utilisent les plateformes, dans la façon dont ils vont les utiliser avec plus ou moins d'efficacité. Parce que, comme quand je le disais pour l'exemple de Twitter, ben il ne s'agit pas juste d'avoir un compte Twitter et de savoir écrire en 140 caractères ou en 115, en raccourcissant les URL, etc. Mais encore, faut-il savoir à quel moment tweeter, qui sont les influenceurs, est-ce que c'est mieux de mettre une vidéo ou juste du texte, un hyperlien ou pas, etc. Donc ça, c'est lié à l'efficacité des usages. Et enfin, la dernière dimension, ce sont les modalités d'apprentissage qui sont liées aux usages, qui veut dire que ben, on est capable d'améliorer sa façon d'utiliser les plateformes. Donc dans la première dimension liée aux usages, c'est simplement ben, tout le monde utilise de façon un peu différente les plateformes, c'est des usages en général. La dimension suivante, c'est plutôt, ben, on utilise avec plus ou moins d'efficacité les différentes plateformes, parce qu'on est capable de s'ajuster ou pas. Et la troisième et dernière dimension de ce second degré, c'est vraiment lié donc à la capacité qu'on va avoir de chercher, trouver l'information, améliorer ses usages. Donc ici, ce qu'il faut retenir aussi, et l'auteur met vraiment l'accent là-dessus, c'est que quand on parle d'inégalité notamment, cette idée donc de à la fois accessibilité, aussi maniabilité, on va y revenir, mais aussi vraiment de compétences, c'est-à-dire être compétent au départ, avoir des compétences techniques, de connaissances, etc. Mais c'est vraiment, donc on est dans cette idée d'économie fondée sur la connaissance, où donc celui qui va être capable d'apprendre et de savoir où apprendre, parce qu'il suit un blog, un forum, qu'il a dans son entourage des gens qui vont l'informer, ou parce qu'il observe les façons de faire qui sont des réussites, ben, il va être capable de les reproduire et de s'en servir. Donc cette capacité d'appropriation et aussi de reproduction des usages qui va être en jeu ici. Donc appropriation et reproduction. Vous vous rappelez, on avait parlé de mimesis aussi à un moment donné, dans le quadrimestre. On est aussi dans cette idée-là, en fait. Et ici, plus dans la perspective de identité numérique, je cherche à me distinguer, à être autre, etc., mais plutôt dans le sens de, pour apprendre à me servir au mieux des plateformes qui sont à disposition, ben, je vais m'inspirer de ce que font les autres, ou alors je vais initier de nouvelles façons de faire. Lorsqu'il est question d'accessibilité, on a parlé donc de la fracture numérique de premier et de second degré. Ici, on peut penser aussi en termes de, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais en termes de tentatives de blocage qui peuvent être plus ou moins ratées, de l'accès que l'on va avoir à certaines plateformes numériques, notamment blocage par les gouvernements de certains pays. À l'accès aux réseaux sociaux ou au web en général, donc en fait aux effets de censure qui vont être appliqués donc dans certaines régions du monde à certains moments. Si je vous demande de citer des exemples de tentatives de blocage justement, par exemple de médias sociaux, de réseaux sociaux. J'ai pas entendu. Wikipédia, il y a des trois gens. Turquie. Mais la date de Twitter, il y a beaucoup de gens. Le Wikipédia aussi, il y a 100 ans. Oui. Donc là, on avait l'exemple de la Turquie. La Chine aussi. Toute la révolution arabe. Si on pense au printemps arabe 2011, où il y avait aussi des tentatives, du moins, c'était un des enjeux en fait. D'essayer de bloquer les plateformes qui aidaient à diffuser certaines réflexions, certains témoignages aussi, parce qu'il faut penser aussi en termes de, on va y revenir un peu plus loin, mais la capacité à documenter grâce au web, à documenter en live, voire dénoncer certaines actions. Des pays comme la Corée du Nord, Cuba pendant longtemps aussi. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont ces tentatives de contrôle-là sur les plateformes et contrôle de la technologie ont suivi en fait l'évolution des technologies. C'est-à-dire, ce n'est pas juste depuis l'apparition des médias sociaux qu'il y a un contrôle là-dessus, mais c'est bien avant ça au début, donc on bloque des pages. Donc, quand on est dans Wikipédia ou quoi, on est encore dans des plateformes qui sont collaboratives, auxquelles donc des citoyens peuvent participer. Mais on va bloquer donc des sites, des pages web entières et où on bloque également certaines émissions télé par exemple qui viennent de l'étranger ou qui ont été tournées et où il y a juste du noir ou de la neige pendant un moment. Voilà. Et puis les émissions reprennent après. Donc ce soit télé, radio ou autre, c'est un contrôle ici médiatique en fait qui se fait à partir du contrôle numérique liés aux médias, aux réseaux sociaux. Et ici, je précisais juste plus ou moins raté parce que, en fait, généralement, quand on cherche à contrôler ces plateformes-là, c'est pour qu'il n'y ait pas de traces de certaines choses et c'est pour, en fait, donc, pousser ou condamner au silence certaines personnes et cacher certains propos. En général, ce que ça va provoquer aussi, c'est qu'il y a généralement toujours une dénonciation quelque part de voilà ce qui est en train de se passer et que donc ce qui serait peut-être passé plus ou moins inaperçu s'il n'y avait pas eu une décision drastique gouvernementale devient en fait un sujet d'actualité ailleurs. Donc c'est plus ou moins raté dans le sens où sur le plan de la communication en fait, ça fait en sorte que ça va renforcer aussi certaines oppositions au régime et que ça n'empêche pas de toute façon de savoir que si un régime cherche à contrôler, à bloquer ça, enfin s'il va jusqu'à bloquer, c'est que il est en incapacité en fait de juguler de façon dialogique ce qui se passe. Donc ce qui n'est pas à son avantage, ou ce qui, sur le plan en tout cas des relations diplomatiques, ne va pas aller dans un sens positif en termes de communication, comme on l'entend aujourd'hui. Je l'ai abordé un petit peu plus avant aussi, la multiplicité des plateformes fait en sorte qu'il y a une spécificité, donc des caractéristiques particulières, des outils et des codes qui font en sorte que donc on n'utilise pas Twitter comme Instagram, comme Snapchat, etc., etc. Donc que là encore, la capacité donc on a à bien s'adapter à ces plateformes-là va faire en sorte qu'on est capable de les manier de manière plus ou moins efficace. Ce qui va aussi jouer, c'est la reprise plus ou moins facile que l'on va pouvoir faire des contenus. Dans quelle mesure, dès qu'à partir du moment où une plateforme offre la possibilité de faire du copier-coller, plutôt que de faire du copier-coller, d'avoir un simple bouton où on appuie et où on a sous le bon format du texte, de l'image, de l'audio qui va se retransférer sur une autre de nos plateformes, à ce moment-là, en fait, quasiment automatiquement, la plateforme vient de rentrer dans les outils qui vont être mieux utilisés, plus facilement, et donc plus facilement appropriés, en fait, par les utilisateurs. D'où les multiples ajustements que l'on voit du côté des médias ou réseaux sociaux pour, justement, toujours essayer de faire en sorte qu'on peut repartager du contenu, on est capable de filmer en ligne, de faire du live, etc., etc. Donc ce qui rentre ici, je vous le disais, ce sont donc les défis d'appropriation, mais aussi donc de reproduction en termes donc de reprise, de repartage des contenus. Et ce qui va rentrer en compte aussi, c'est donc la capacité à s'adapter aux innovations. Ici, je vous ai mis un schéma qui est assez courant en fait en information communication. Il est issu de Rogers, donc de la théorie en fait de la diffusion des innovations. Vous l'avez peut-être donc sans doute vu dans certains de vos cours déjà. Mais en fait, quand on réfléchit en termes de fracture numérique et d'inégalité face à la technologie ou face aux usages, on fait écho à certaines de ces préoccupations-là, qui sont donc la différence que les usagers, dont les usagers vont avec laquelle ils vont se comporter entre ceux qui vont avoir un comportement, une attitude plutôt d'innovation, donc on va essayer des choses, dès qu'il y a la possibilité par exemple de créer sa propre plateforme, on va le faire, on va développer tous les outils, tester tous les outils qui existent. Il y a ensuite donc qu'on appelle aussi les primo-adoptants, donc les personnes qui vont adopter rapidement en fait ces nouvelles technologies, qui seraient en sorte les premiers followers des innovateurs. Et en fait, on parle souvent de chiasme, de clash entre ces 14, ces 15%, 15, 16, premier pourcent là, donc entre les primo-adoptants et les innovateurs, et le reste, qui donc inclut la majorité qui soit va réagir assez rapidement et qui va aller s'acheter un téléphone mobile ou le dernier iPhone parce que, c'est dans la logique des choses, ou la majorité plus tardive qui va adopter, mais 6 mois ou 1 an après, le nouveau iPhone, alors que le tout dernier vient de sortir, mais que quand même, il n'y a pas encore tout le monde qui en bénéficie. Les prix ont baissé, donc cette fois-ci, on y va parce que tout le monde dans la famille commence à l'avoir, qu'il y a telle application gratuite, etc. Et enfin, ceux qu'on appelle ceux qui sont plutôt à la traîne, qui eux, en fait, vont avoir un téléphone qui date un peu, sur lequel on ne peut pas avoir vraiment, justement, ni WhatsApp, ni rien, on ne peut pas télécharger l'application, mais c'est un téléphone qui fait ce qu'il était censé faire au départ, c'est-à-dire que on peut téléphoner à elle. Mais donc, eux vont avoir, en fait, peut-être, au bout d'un moment, le dernier iPhone, mais qu'on leur aura donné 2 ou 3 ans après, parce que quelqu'un dans les premiers pourcentages, dans la majorité qui suit après, leur aura donné un peu plus tard. Donc cette caricature-là, en fait, qui est donc c'est une proposition essentiellement théorique de Rogers pour essayer de voir comment dans la population les consommateurs adoptent les produits de façon plus ou moins rapide. Et donc dans l'esprit de Rogers, c'était aussi comment est-ce qu'en marketing ou en communication corporelle, puis politique d'ailleurs, on va essayer d'influencer en particulier ces innovateurs et ces primo-adoptants. Donc ces catégories-là, elles sont aussi à prendre en compte lorsqu'il est question donc, d'inégalité numérique, puisque tous les premiers pourcentages, ceux qui vont se trouver dans la majorité, j'ai du mal avec le précoce. La majorité précoce, merci. Donc toute cette tranche-là, en fait, vont être plutôt avantagées. Et ceux qui sont dans la majorité tardive ou donc dans les consommateurs plus à la traîne, donc qui sont vraiment donc hors mode, eux vont par contre potentiellement être pénalisés, en fait, sur le plan de la valeur de leur comportement numérique. Ici, quand je dis pénalisés, si on repense rapidement à ce que je disais en introduction, il y a par exemple le fait que pour faire une déclaration d'impôt, de plus en plus c'est en ligne, pour envoyer certains documents c'est aussi en ligne, il faut savoir modifier un PDF, il faut savoir potentiellement avoir la capacité à changer le format d'une photo, d'une image, à la réduire parce que l'administration en face n'accepte pas les dossiers, les fichiers qui pèsent plus de temps, etc., etc. Donc cette capacité-là, donc, elle va potentiellement être handicapante dans le milieu du travail, mais aussi potentiellement au quotidien, dans la façon de gérer ses affaires. Donc rappelez-vous que ça peut être à convoquer, en fait, ce schéma-là pour analyser cette idée d'inégalité numérique. On va faire une petite pause, oui. Il faut aussi peut-être préciser que cette théorie de Roger mentionne aussi que c'est un profil à un moment T. Oui. Parce que chaque profil évolue dans le temps et on se rend compte qu'au plus on est jeune, au plus on sera... Oui, dans une des tranches plutôt aussi innovateurs. Mais c'est tout l'enjeu justement par rapport à ce côté que ces profils sont donc à un moment ou à un temps T et que potentiellement, donc on n'est pas enfermé dans un seul profil toute sa vie nécessairement. Mais avec justement l'évolution très rapide des capacités numériques, c'est encore plus un défi en fait en termes d'appropriation ou en termes de qui sait de côté dans mon entourage qui va être capable de me faire part des derniers outils de veille par exemple efficaces pour pouvoir surveiller les réputations pour mon entreprise, etc. Donc on fait une pause de 10 courtes minutes.